en guerre contre les joies vulgaires des pauvres et leurs mauvais goûts. Fleurs à la boutonnière, leur regard nous suggère de nous cacher sous terre. Nous n'inspirons que le dégoût. Comme ça, c'est pas comme il faut. Comme si, quel vilain défaut. Tous nos travers manquent de manière et ils nous le disent de très haut. Que c'est bon d'être un bourgeois, bien élevé dans la soie, porteur de surcroît, de tant de richesses, le bonheur, les vrais valeurs, sans avoir peur des jours meilleurs, en élevant de beaux enfants, intelligents, tout simplement. Les rupins s'indiffèrent de nos vies si précaires. Leurs envies passent avant nous, tournés vers Dieu le Père. Au nom de leurs affaires, ils ne font de prières que pour des jours encore plus doux. Pour eux, ils n'ont jamais trop un gueux, mais qu'est-ce que ça vaut? Soyons